J'étais perdu, abandonné, déprimé. Y'a quelqu'un qui frappe à ma porte. Pourtant je n'attendais personne. J'ai été voir qui c'était. Là je suis resté bouche bée. Je vous jure que c'était un ange avec de magnifiques ailes blanches. Il m'a dit d'arrêter de pleurer, que maintenant ça allait aller. C'était mon ange gardien, alors je me suis senti si bien. Un soir où j'étais perdu, abandonné, déprimé. Y'a quelqu'un qui frappe à ma porte. Pourtant je n'attendais personne. Quelqu'un qui frappe à ma porte, pourtant je n'attendais personne. J'ai été voir qui c'était, là je suis resté bouche bée. Je vous jure que c'était un ange avec de magnifiques ailes blanches. Il m'a dit d'arrêter de pleurer, que maintenant ça allait aller. C'était mon ange gardien, alors je me suis senti si bien. Un soir où j'étais perdu, abandonné, déprimé. Y'a quelqu'un qui frappe à ma porte, pourtant je n'attendais personne. Un ange est passé chez moi, il a dansé avec moi. Personne ne m'a jamais cru, on m'a dit que j'avais trop bu. Un ange est passé chez moi, il a parlé avec moi. On a cru que j'avais fumé, pourtant je me suis jamais drogué. Un ange est passé chez moi, il a dansé avec moi. Personne ne m'a jamais cru, on m'a dit que j'avais trop bu. Un ange est passé chez moi, il a parlé avec moi. On a cru que j'avais fumé, pourtant je me suis jamais drogué.